les hommes peuvent ne pas être cruels. C'est l'esclavage qui est cruel. C'est l'institution qui est cruelle. La séance est ouverte. En 1844, un débat à la Chambre des députés sur l'abolition de l'esclavage, restitué avec les comédiens français. Nous sommes en 1844, il faudra 4 ans encore avant que ne soit arrachée la fin officielle de l'esclavage que Montesquieu, dans l'esprit des lois, recommandait dès 1748. Une première abolition avait bien été proclamée par la Convention, mais Napoléon étant revenu à l'état hanté, les anti-abolitionnistes avaient pu avoir l'impression qu'on repartait de zéro. Sauf que les Anglais précipitaient dorénavant le mouvement. Ils avaient obtenu des Français au Congrès de Vienne en 1815 la promesse de la fin de la traite d'Afrique. Ils abolissaient eux-mêmes l'esclavage dans la Caraïbe britannique en 1833. Désormais, dira le député Gasparin, des côtes de la Martinique esclaves, on aperçoit celles de la Dominique émancipée. Le personnel de la monarchie de Juillet est aussi sensible à un autre argument, celui du calcul, le calcul de la productivité, dirait-on dans notre langage d'aujourd'hui. Le grand abolitionniste Victor Schœlcher se demande à l'époque si le noir, devenu travailleur libre, ne serait pas stimulé par le désir d'augmenter ses biens. On voit, ajoute-t-il, dans les îles anglaises, des noirs avoir cabriolet. C'est aussi dans cette perspective économique, et sans abandonner l'idée morale de la liberté naturelle de l'homme, que s'inscrit le débat de ces années-là. En revanche, on ne songe pas à une indépendance des îles, à l'exemple de celle de Haïti. Des commissions parlementaires présidées tour à tour par Rémusat, Tocqueville, Breuil ont fait des recommandations prudentes d'abolition graduelle. Le gouvernement impavide n'a pas bougé. Et voici qu'en 1844, les abolitionnistes nombreux parmi les députés reçoivent le soutien d'une pétition. Elle est signée par nombre d'ouvriers de Paris, artisans des vieux métiers, partisans de l'émancipation individuelle. La Chambre des députés va illico se saisir de la pétition. France Inter, la marche de l'histoire avec la Comédie française, Jean Lebrun. La parole est à monsieur Alphonse Denis, deuxième rapporteur de la commission des pétitions. Messieurs, au sein de la plupart des États constitués, à des époques incontestables de calme et de bien-être, certains sujets politiques, moraux ou religieux viennent agiter les populations d'un mouvement factice qui peut devenir fatal à leurs véritables intérêts. Ces questions sont en général d'une nature si dangereuse qu'on ne peut jamais les traiter qu'avec une réserve extrême. Les luttes les plus rudes, qu'on ne l'oublie pas, sont celles où le bon sens et le bon droit viennent se heurter contre des préjugés enfantés par les plus nobles sentiments. C'est le cas que soulève la pétition qui a été soumise à notre examen. Elle est basée en grande partie sur cette erreur généralement accréditée selon laquelle les esclaves noirs de nos colonies, se trouvant tous les jours en butte aux caprices les plus inconcevables et aux traitements les plus rigoureux, il serait utile, nécessaire, urgent que la métropole fît cesser un tel état de choses. Non. À ces allégations calomnieuses, ce sont des amis des Noirs qui se chargent de répondre. Voilà en quels termes s'exprime à ce sujet Monsieur le Duc de Broglie, dont la parole est un poids immense dans toute cette question. Je le cite. Les colons ménagent la population noire. On prend soin des femmes enceintes et des enfants en bas âge. La nourriture des Noirs est saine et suffisante. Ils sont logés et vêtus conformément aux exigences du climat. Ils sont convenablement soignés dans leur maladie. Nulle part on exige d'eux un travail excessif. Les châtiments corporels sont modérés et vont plutôt diminuant. L'enfant qui naît appartient au maître de la mère. Il n'est point abandonné sans soin. La sollicitude du maître ne sommeille presque jamais et il est à remarquer qu'il meurt, proportion gardée, plus d'enfants de couleur libre que d'enfants esclaves. La servitude, messieurs, n'est plus sombre, tremblante, décharnée comme elle fut. C'est pourtant cette opinion erronée qui s'est répandue en France et qui est venue émouvoir toutes les classes de la société, s'il est vrai que ce sont 1584 ouvriers ou artisans de la capitale qui demandent, sans plus de forme ni de délai, l'abolition de l'esclavage dans nos colonies. Ces artisans ouvriers et ouvrières surtout, disent hautement que si dans une affaire aussi grave ils prennent l'initiative, c'est pour obéir aux grands et religieux principes de la fraternité humaine. Les pétitionnaires font remarquer qu'au terme du Code noir, article 22 et article 25, les maîtres doivent nourrir et habiller leurs esclaves, mais qu'ils ne remplissent pas même cette obligation. Ils trouvent plus simple, moins coûteux de se décharger de ce soin en concédant aux Noirs le samedi de chaque semaine. S'il faut en croire les pétitionnaires, les esclaves de Guyane n'ont même leur samedi nègre, comme on dit, que tous les 15 jours. Entendez-vous, messieurs ? Un jour sur 15, on leur permet de pourvoir à leur subsistance. Allons bon. Et vous pensiez peut-être, messieurs, que devant le spectacle de tels abus, les pétitionnaires, qui ont profondément réfléchi sur la matière, vont proposer des modifications, des réformes progressives, des moyens d'arriver à l'émancipation qu'ils réclament. Point. Ils terminent en exprimant tout simplement leur confiance dans la justice et l'humanité des députés de la France, se bornant à demander l'affranchissement immédiat des esclaves. Messieurs, il n'est pas un ami de l'humanité, il n'est pas un seul d'entre nous, quelles que puissent être ses théories sur l'avantage qu'il y aurait à conserver ou abandonner nos colonies, qui ne partage en grande partie les sentiments exprimés par les pétitionnaires. Il faut, votre commission le reconnaît, que dans un temps plus ou moins rapproché, l'esclavage est disparu de nos colonies. La France est entrée la première dans la carrière de l'abolition de la traite. Ce trafic a cessé de souiller nos ports et d'entacher notre commerce. Les derniers faits de traite constatés remontent pour les bâtiments français à l'année 1830. Nous coopérons activement, de concert avec les nations amies, j'allais dire les nations rivales, à la répression de la traite. Certes, l'abolition de la traite n'est pas l'abolition de l'esclavage, mais elle le transforme entièrement. Du jour où le maître ne peut plus repeupler son habitation par l'achat de cargaisons humaines, non seulement l'intérêt lui commande de ménager ses esclaves, mais de plus, il s'établit une sorte de lien naturel entre les maîtres et les esclaves. Tous nés, pour ainsi dire, sous le même toit. L'abolition de la traite est donc une préparation excellente à l'abolition de l'esclavage. Mais Mais lorsque notre tâche a été d'examiner froidement, impartialement, l'émancipation immédiate et absolue, sans préparation, sans condition aucune, nous avons reculé devant un pareil acte, éclairé par ce qui se passe dans l'île d'Haïti, affranchi depuis longtemps et devenu le domaine de la race noire, établissant notre opinion non pas d'après de vaines théories, mais en consultant notre raison. En face de l'énorme indemnité que les colons seraient en droit d'exiger de la métropole, si accablée déjà de charges diverses, la commission, dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur, est contrainte à déclarer que, telle qu'elle est formulée, l'abolition serait une mesure funeste. Messieurs, je donne la parole à Monsieur Agénor de Gasparin, député de la Corse. Ce rapport est un anachronisme. Depuis 20 ans, la question n'est plus entre le maintien de l'esclavage et l'abolition. La question la voici. L'émancipation se fera-t-elle par des moyens réguliers, par des lois votées ici, ou se fera-t-elle par des moyens violents et imprévus? Voilà la question, messieurs. Bravo ! Nous devons aux colonies la manifestation claire et ferme de notre volonté. Nous devons leur dire que l'abolition n'est pas un vain mot, que nous passerons bientôt aux actes décisifs, car si nous le leur laissions ignorer, nous les engagerions dans une résistance insensée. Nous ne voyons rien aujourd'hui, ni dans l'état de nos colonies, ni dans l'état de l'opinion en France, qui puisse nous engager à décréter dans cette session l'affranchissement de l'esclavage. Ce serait faire prévaloir un principe au mépris de l'intérêt du pays, de l'intérêt même et de l'avenir de la race dont les pétitionnaires se sont fait les défenseurs. Veulent-ils que les colonies succombent, que notre commerce colonial, déjà ébranlé, subisse une crise dont il ne se relèverait pas pendant de longues années? L'émancipation prématurée amènerait la ruine des Blancs sans faire la fortune des Noirs. Monsieur Denis, S'il vous plaît. Monsieur Denis, je pourrais invoquer ici l'intérêt politique de la France. Je pourrais invoquer aussi son honneur. Je ne le ferai pas. Vous parlez de l'intérêt des colonies? Je me renferme dans cet ordre de considération. Quel est le véritable intérêt des colonies? C'est de ne pas se méprendre sur la situation. Il n'y a pas moyen de se faire illusion aujourd'hui. La liberté enserre de toutes parts nos colonies. La Guyane française ne restera pas esclave à côté de la Guyane anglaise émancipée. Des côtes de Martinique esclaves, on voit les côtes de la Dominique émancipées. Croyez-vous qu'il n'y ait pas, entre ces contrées voisines, une contagion de liberté? Malgré les précautions que prennent nos gouverneurs, les évasions se multiplient. Les esclaves s'échappent de toutes parts. La paix produit cela. Je ne parle pas de ce que produirait la guerre. Ne créons pas, en temps de guerre, pour nos colonies, une situation violente dont personne n'oserait prédire l'issue. Ce n'est pas la liberté seulement que nous voulons pour les esclaves. C'est la liberté telle que la France la possède, telle qu'elle la donne avec des droits et des devoirs. Décréter que les esclaves deviennent libres, c'est décréter en même temps leur moralisation et leur civilisation. Il n'y a pas un ami des Noirs qui ne s'alarmât avec raison s'il s'agissait aujourd'hui, au milieu de nous, d'émanciper une population nombreuse, ignorante, abrutie, vouée à l'esclavage de temps immémorial. Les dangers que nous redouterions pour nous en France, nous devons les redouter pour les citoyens de nos colonies, car les colons sont aussi nos frères. Certes, monsieur Denis. La parole est au ministre de la Marine, monsieur l'amiral de Macao. Messieurs, le gouvernement a souvent délibéré de l'abolition de l'esclavage. Et il est d'avis que le moment n'est pas venu. En même temps, le gouvernement est persuadé qu'il doit faire tous les efforts possibles pour améliorer la situation des Noirs, pour les préparer à entrer un jour dans la condition qui leur rendrait possible l'exercice régulier de la liberté. À cet effet, le gouvernement est décidé à développer les dispositions bienfaisantes sur l'instruction primaire, sur l'éducation morale et religieuse. Messieurs, nous marcherons d'un pas ferme dans cette voie parce que nous sommes persuadés que c'est la seule susceptible d'assurer de bons résultats. La parole est à monsieur Alexandre Ledru-Rollin, député du Mans. Il ne suffit pas de dire depuis bientôt un demi-siècle que la situation est délicate et qu'elle est grave. Il faut qu'elle ait enfin une solution. Ce que vous promettez de faire, vous l'avez déjà fait, mais vos ordres sont restés impuissants. Les mesures que vous avez décrétées ont été neutralisées sans cesse. La loi ordonne que des écoles soient ouvertes pour éclairer les jeunes esclaves. Mais un maire ose prendre un arrêté par lequel il décide que les seuls enfants libres pourront y être admis. Le gouvernement envoie des missionnaires, des prêtres aux colonies pour préparer, par les idées religieuses, l'avènement de la liberté. Mais dans la plupart des habitations, les prêtres sont repoussés par les colons. La lecture même de l'évangile est interdite par le maître aux esclaves, parce que la lecture de l'évangile peut inspirer à de pauvres créatures des idées d'égalité et d'émancipation. Monsieur Ledru-Rollin, certainement, tout ne marche pas dans les colonies d'une manière qui pourrait être appelée complètement satisfaisante. Il y a là, comme dans toute organisation sociale, des choses défectueuses. Et nous travaillons chaque jour à les faire disparaître. Mais ces reproches que vous adressez à l'état actuel des colonies ne sont pas fondés. Les faits que je cite sont parfaitement exacts. Tout ceci est parfaitement exact, monsieur le ministre. Ne venez donc pas dire que vous cherchez à préparer les esclaves à la liberté. La volonté égoïste, opiniâtre des colons, est plus forte que vos tièdes et inefficaces volontés. Non, non ! Ces demi-moyens, usés, stériles par anticipation, ne peuvent plus suffire aux cœurs humains et généreux. Monsieur Jolivet. Monsieur Ledru-Rollin, les colons ne se sont jamais opposés à ce que les Noirs se livrassent à l'exercice du culte. En voulez-vous la preuve ? Lisez les rapports du gouvernement et des magistrats des colonies. Oui, et vous, Monsieur Jolivet, lisez le rapport de Monsieur le procureur général de la Martinique. Eh bien, je l'ai lu. Pas de conversation particulière entre vous, je vous en prie, messieurs. Monsieur le Président, il faut clore la discussion religieuse à laquelle Monsieur Ledru-Rollin voudrait nous entraîner et revenir à la pétition des ouvriers de Paris dont Monsieur Ledru-Rollin s'est fait le champion. Oui, en tout cas, je le fais pas comme vous pour de l'argent, hein. Mais je ne réponds pas à une impertinence. Non, ça n'est pas une impertinence, Monsieur Jolivet, c'est une vérité. Messieurs, on nous dit qu'il y a dans les colonies françaises des intérêts sacrés, les intérêts des Blancs. Sans doute, leurs droits sont respectables. Et bien que leur propriété soit mille fois illégitime, cependant, comme elle a été consacrée par le temps, il faut leur accorder une indemnité. Mais est-ce une raison pour prétendre qu'en jetant tout à coup des hommes ignorants dans la sphère de la liberté, il y aura bouleversement ? Pensez-vous vraiment que c'est dans l'esclavage qu'on peut former un homme à la liberté ? Il faut avoir lu les débats des conseils coloniaux pour se faire une idée de l'égarement auquel les meilleurs esprits sont entraînés aux colonies par les passions locales. Ce sont des apologies de l'esclavage, de la traite elle-même. C'est le rejet de toutes les propositions d'émancipation, de tous les systèmes quels qu'ils soient. Voilà la voie dans laquelle les colonies sont malheureusement engagées. Oui, parfaitement, parfaitement. Et en face de cette disposition d'esprit, messieurs, votre bon vouloir n'est qu'un vain mot. Ce que vous regardez comme de la prudence devient de la cruauté. Et tandis que l'humanité marche autour de vous, vous vous condamnez honteusement à piétiner dans un cercle infranchissable. Je suis tout à fait étonné de voir l'honorable monsieur Agénor de Gasparin uni à monsieur Ledru-Rollin pour défendre les vues des ouvriers pétitionnaires. J'aurais cru qu'il se maintiendrait dans des voies de prudence et de réserve. Eh bien, continuez, monsieur Jolivet. Continuez. En tout cas, la parole est à monsieur de Gasparin. Je ne descendrai pas de cette tribune sans dire un mot de l'un des arguments, de l'une des doctrines qui sont la base du rapport. C'est un argument qu'on reproduit souvent. Je crois qu'il est bon d'en faire une bonne fois justice. On parle du bonheur des esclaves. Et on donne à entendre qu'ils sont beaucoup plus heureux que les ouvriers, que les paysans de la métropole. Je n'ai pas parlé du bonheur des esclaves. J'ai dit qu'ils n'étaient pas aussi malheureux que des rapports exagérés le prétendaient. Vous vous attaquez à un fantôme ? Vous vous attaquez à un fantôme, il vous sera pas difficile de le vaincre. S'il vous plaît, j'accepte avec grand plaisir l'explication de monsieur le rapporteur. Mais comme cet argument, s'il ne s'est pas positivement produit dans son travail, se produit sans cesse dans les discussions de la presse et de la tribune, la Chambre me permettra de le réfuter. Le bonheur des esclaves, je pourrais contester le fait. J'aime mieux l'accepter. Je pourrais contester le fait et citer bien des circonstances qui ne se concilient guère avec ce prétendu bonheur. En les citant, je ne croirais pas accuser la cruauté des colons. Les hommes peuvent ne pas être cruels. C'est l'esclavage qui est cruel. C'est l'institution qui est cruelle. Toutes les fois que vous donnez un homme en toute propriété à un autre homme, il sort de là des circonstances atroces. Mais laissons de côté les scènes abominables, les procès, les acquittements scandaleux dont nous avons tous lu le récit. Laissons de côté ce que nous apprend la statistique sur l'absence presque absolue de mariages réguliers parmi les Noirs de nos colonies. Et par conséquent sur l'abîme de turpitude et de dépravation où l'esclavage, par sa seule force, précipite ses malheureuses victimes. Laissons tout cela. Acceptons le fait du bonheur. Acceptons-le. Mais demandons-nous si ce bonheur, au lieu d'être un titre en faveur de l'esclavage, n'est pas la plus éclatante condamnation. Si ce bonheur n'est pas le plus honteux produit, le plus grand crime de l'esclavage. Je me défie beaucoup d'un avantage qu'on prétend être grand et dont cependant personne ne veut. Or, depuis qu'on exalte la félicité des nègres au-dessus de celle des ouvriers, des paysans de la métropole, j'en suis à trouver un ouvrier, un paysan assez misérable pour désirer être esclave. C'est vrai. Et pourquoi ? C'est que l'argument repose sur l'oubli de la plus noble partie de notre être. Le bonheur de l'animal qui mange et boit à sa suffisance, qui n'a ni regrets, ni passé, ni soucis de l'avenir, a-t-il jamais excité la jalousie de personne ? La joie, le rire du fou, de l'imbécile, n'inspire-t-il pas une profonde pitié ? Il en est du même du bonheur de l'esclave. Ah, ne me parlez pas du bonheur de l'esclave ! Personne, je le répète, n'en a parlé. Leur bonheur est la plus éclatante condamnation de l'esclavage ? Car il prouve que l'esclavage détruit la plus belle portion de l'être moral. Il prouve que l'esclavage supprime la révolte même des cœurs. Messieurs, la servitude individuelle agit comme la servitude collective. Quand l'esclavage politique s'établit au milieu d'un peuple, il y a d'abord des révoltes. et par conséquent des souffrances. Mais que la servitude politique dure, on s'y habitue, on courbe la tête, on ne souffre plus, on est heureux. Est-ce là un progrès ? Grâce à Dieu, il y a encore des esclaves qui souffrent dans nos colonies. Il y en a qui répondraient encore, comme ce nègre des États-Unis, complimenté sur la douceur d'une position à laquelle rien ne semblait lui manquer. « Messieurs, dit-il, il me manque une chose, c'est de pouvoir mettre ma main sur mon cœur et de pouvoir dire « Ma chair est à moi ».« Ma chair est à moi !» Fort bien, monsieur de Gasparin. Je mets néanmoins aux voix le renvoi de la pétition des ouvriers de Paris au Conseil des ministres. Je vais procéder au scrutin. Ben, le renvoi, c'est clair, le renvoi est ordonné. Messieurs, La séance est levée. Le texte de cette séance de 1844 était établi par Isor Pisani-Ferry, avec dans la salle Alexis Chevalier, Grégoire Roqueplot, et sur la scène, nos députés répondant aux pétitionnaires venus du français. Gasparin, c'était Hervé Pierre. Macco, c'était Michel Favori. Le Drurelin, Loïc Corbery. Et Alphonse Denis, Bruno Raffaelli. Je voudrais ajouter, profitant de la présence ici au studio 104 de la maison de la radio de Myriam Cotias, qui est présidente du Comité national pour la mémoire de l'esclavage et historienne, je voudrais ajouter un codicille. Explication. Dites-vous, Myriam Cotias, c'est le travail que je mène avec mon comité auprès des Français. Expliquez-nous comment, en l'espace de 4 ans, de 1844 à 1848, on va pouvoir passer d'une situation en impasse à l'abolition enfin. Les esclaves ont continué à se rebeller. Finalement, l'esclavage politique, on n'est jamais totalement esclave et on continue à lutter pour la liberté. Ils ont continué, tout comme les humanistes et les philanthropes, ont continué à réfléchir à ce que c'était que l'égalité du genre humain et à dénoncer le fait que l'esclavage était un crime de lèse-humanité, que c'était un crime commis par les Européens qui devait être réparé. Et la seule façon de le réparer, c'était d'abolir l'esclavage, ce que vont faire les Républicains. Les Républicains qui arrivent au pouvoir le 4 mars 1848, et l'une de leurs premières décisions, c'est précisément d'abolir l'esclavage, parce qu'un homme a porté cette idée, Victor Schœlcher, il l'a porté haut et fort, et il impose sa voix à ces républicains qui ont été un peu hésitants et finalement se sont dit que la liberté, l'égalité et la fraternité passaient précisément par l'abolition des esclaves dans les colonies françaises. Merci à vous, Myriam Cotias. Merci à toute l'équipe du Studio 104 de la Maison de Radio France, avec à sa tête Stéphane Ronxin à la réalisation, Stéphane Dumont, Bastien Varigaud, Éric Paringaud, Lucas Vaillant, Philippe Mercher et Quentin Piennet.